Te glorifier du mal homme puissant, alors que la fidélité de Dieu durera jamais. Ta langue médite la ruine et le mensonge, comme un rasoir affûté pour blesser. Tu aimes le mal plus que le bien, le mensonge plus que la vérité. Tu chéris les paroles de destruction, langue trompeuse qui vient déchirer. Mais Dieu te renversera pour toujours, il t'arrachera de ta demeure, il t'ôtera de la terre des vivants, et ton nom s'éteindra dans la peur. Les justes verront, ils auront de la crainte, et ils riront en disant: voilà l'homme qui ne prie pas Dieu pour refuge, mais se fiait à sa richesse et à sa force d'arrogance. Mais moi je suis comme un olivier verdoyant dans la maison du Dieu vivant. Je me en ton nom saint.